Bienvenue dans l'asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz, émission également disponible sur internet sur son blog asile35.blogspot.fr avec possibilité d'écoute en streaming, de podcast également, émission playlistable, commentable, tout ça sur asile35.blogspot.fr avec asile avec un Z comme dans Zanzibar. Voilà, on va attaquer par une séquence groovy funky et un petit focus sur la scène de Bristol à l'époque du post-punk de la fin des années 70, début des années 80 donc, et le groupe Glaxo Babies qui a existé à partir de 77 jusqu'au début des années 80, s'est reformé après plus épisodiquement au milieu des années 80 jusqu'à 90 à peu près. C'était le groupe du guitariste Dan Katsis, également membre de Maximum Joy et du pop group. Je propose Glaxo Babies à l'occasion de la réédition de leurs deux albums longs, Nine Months to the Disco, le premier qui était sorti en 1980, suivi quelques mois après par Put Me on the Guest List, deux disques réédités aujourd'hui à l'identique par le label spécialisé dans les rééditions vinyliques de rock avant-garde et autres musiques électroniques qui fricotaient avec la No Wave, le label de San Francisco Superior Viaduct. Et on écoute un extrait du tout premier album, donc le Nine Months to the Disco, avec un titre donc très groovy funky, le morceau Free Themselves par Glaxo Babies. action. Take action. Let's get some flow going on this thing. Une séquence qui tendait à prouver qu'on savait aussi s'amuser en Angleterre à la fin des années 70, début des années 80, et ce, malgré l'arrivée de la baronne. On a démarré donc avec un focus sur la scène post-punk de Bristol, et tout d'abord les excellents Glaxo Babies, mis à l'honneur par deux rééditions de leur frasque discographique, les disques Nine Months to the Disco, dont étaient extraits les deux titres qu'on a entendus enchaîner, et Put Me on the Guest List. C'est disponible chez Supérieur Viaduct, depuis quelques mois, et sans doute dans la plupart des bonnes crèmeries, notamment celle de la rue Poulain du Parc. Et on a enchaîné avec une autre réédition, puisque la mode est aux rééditions, comme vous devez le savoir, et il s'agissait de cet autre groupe de Bristol, créé par trois anciens du pop group, donc très proche aussi des Glaxo Babies, les fameux Rib Rig and Panic, du multi-instrumentiste Gareth Seeger, du batteur Bruce Smith, qui d'ailleurs était aussi le batteur de Peel à ses heures perdues, et également le claviériste Mark Springer. Le titre qu'on entendait était extrait de la réédition de leur premier opus God, sorti en 1981. Ça vient tout juste d'être réédité par Cherry Red Records, qui a ressorti les trois albums du groupe dans lequel officiait aussi la fameuse Néné Cherry. Donc I'm Cold, le deuxième, et aussi Attitude. Donc tout ça jusqu'en 1983, puisque le groupe a été assez éphémère. Et donc ces rééditions sont des Expanded Edition, pour ne rien gâcher. Et donc sur cette réédition de God, on trouvait plusieurs titres maxi et aussi ce Billy Exen Shirt Collar, qui était un titre qui figurait apparemment sur une cassette qu'avait sorti la NME à l'époque. Donc un titre sur lequel on entendait non pas la voix de Néné Cherry, mais de Hurry Up des Slits. Voilà, donc pour la scène de Bristol, si vous voulez vous documenter sur la question, je ne peux que vous recommander la lecture, si ce n'est déjà fait, du fameux livre de Simon Reynolds aux éditions Alia, Repeat Up and Start Again, sur le post-punk d'entre 78 et 84. On va continuer avec cette fois-ci un groupe de 2014, puisqu'il s'agit d'une parution 2014. Il s'agit des Black Dirt Hawk, projet collaboratif qui réunit des membres de Pelt, du No Neck Blues Band, de Psychic Hills, des Black Twig Pickers, de D. Charles Peer ou encore de Riton, notamment Steve Gunn, Nathan Bowles et Dave Shufford. Donc des musiciens, une cohorte de folk, on pourrait dire, expérimentateurs, qui se sont livrés dans un studio new-yorkais à cette improvisation que vous retrouvez sur cette galette que vient de faire paraître le label My Records sous le titre Wayanda Patent. Disque extrêmement passionnant et pour le moins kaléidoscopique au niveau des ambiances, et notamment l'utilisation des voix et de l'électronique mélangée avec les banjos et autres cordes. Un disque que je vous avais déjà proposé il y a de ça une quinzaine et pour lequel je ne vais pas me tarir d'éloges, donc je préfère me taire et vous proposer le titre Freak Fang, extrait de ce disque de Black Dirt Hawk. Late at night, he decides to walk downstairs. No shoes on. Outside in the snow, he sees the eyes gleaming in the night. There's that cat from down the street. His eyes gleaming. It's like this creep. Cloud night glowing from inside, glowing like that coat. Glowing from inside. We'll be right back. Une séquence de psyché et de folk comme on les aime dans l'asile le plus sûr qui a démarré avec le collectif Black Dirt Oak et leur disque que j'ai du mal à prononcer, enfin le nom en tout cas, Waweyanda Patente. En tout cas c'est sorti sur le label britannique MIE Records, voilà, donc c'est sorti en 33 tours exclusivement il y a de ça quelques jours, donc pour ce collectif new-yorkais, une musique très proche au final de celle que pouvait pratiquer Sunburn Hand of the Man de leur vivant, et autres projets un peu psyché, tordus américains de l'après Sun City Girls par exemple, et c'était enchaîné avec de l'acid folk ou du folk très acéré au niveau des cordes de Mike Gangloff et son disque Poplar Hollow, sorti sur le label là encore britannique Blackest Rainbow à l'automne dernier. Mike Gangloff qui est un musicien originaire du Kentucky, une sorte de magicien du banjo et surtout du crin-crin, le fiddle, le violoneux traditionnel. Il a été membre des groupes Pelt, toujours d'ailleurs membre du groupe Pelt, également dans les Black Twig Piggers et autres Spiral Joy Band. Un disque plutôt pas mal, surtout pour les pièces au violon, je dois dire, comme celle qu'on a pu entendre qui démarrait ce disque Poplar Hollow. Et en parallèle, Mike Gangloff a également sorti un disque en duo avec le guitariste Steve Gunn, le fameux Steve Gunn qu'on retrouvait d'ailleurs dans le Black Dirt Oak juste avant, comme quoi tout se recoupe. Ce disque qu'ils ont fait paraître sur Important Records. Voilà, on va continuer toujours dans cette veine psyché, mais du psyché plutôt assez cosmico-brutiste cette fois-ci, avec le collectif britannique Desmadrados Soldados de Ventura, qui est un groupe néo-psyché façon Skullflower, façon aussi, ça fait beaucoup penser à au groupe japonais un peu historique dans le registre, les Rally Zez Denuls, et autre Vermonster ou aussi Sunburn Hand of the Man, donc un projet très très distordu, un peu façon mur du son, des jams psychédéliques qui avoisinent les 20 minutes, dans lesquelles on retrouve pas moins de 2 basses, de 3 guitares et d'un batteur. Et au sein de ce Desmadrados Soldados de Ventura, on retrouve des membres des groupes Gnod, Electrelane, Beach Fuzz et autres serres. Ils ont sorti coup sur coup 3 albums, un album éponyme début 2013, un autre qui est sorti au mois d'octobre sous le titre Stride, et il y a un double disque qui vient tout juste de voir le jour sur le label Golden Lab sous le titre Interpenetrating Dimensional Express. Je propose d'écouter un extrait de cette très longue pièce de ce groupe de Manchester, le Desmadrados Soldados de Ventura, dans l'asile le plus sûr. Thank you. le genre de jam à vous faire grimper au rideau, les Desmadrados Soldados des Ventura. Retenez bien ce nom, on va certainement en reparler dans les semaines qui viennent, et notamment dans l'Asile le plus sûr. Donc excellent collectif de Manchester qui pratique des jams endiablés comme celle que vous avez pu entendre, du moins en partie. Ça continue comme ça pendant 10 bonnes minutes encore. Et c'est plutôt le format qu'il respecte en général, en tout cas sur les deux précédents opus. Ce titre qu'on entendait était extrait de leur dernier disque interprété Interpenetrating Dimensional Express. Et si vous voulez vous exploser les tympans en concert, ils seront à Paris aux Instants Chavirés ce week-end, ce samedi, dans une soirée où la tête d'affiche d'ailleurs est Samara Lubelski. Donc les Desmadrados Soldados de Ventura. Voilà, je vous propose d'enchaîner avec tout autre chose. Il s'agit du 9e album studio du combo de Los Angeles, mené par l'halluciné Jamie Stewart. J'ai nommé les Chouchous, ou encore Xuxu pour la prononciation française, et leur disque Angels Guts Red Classroom, tout nouveau disque qui est à paraître début février sur Polyvinyl Records, un album très sombre, beaucoup plus noir que les précédents. On pourrait dire au croisement d'Ansturzen 2, Neubotten et du dernier Scott Walker. Et ça n'est pas vraiment étonnant vu la thématique abordée par ce Angels Guts Red Classroom, puisque ce disque est inspiré par un film porno trash japonais de 1979 du même nom. Donc un album qui tourne un peu autour de la mise à mal des corps pour révéler les suppléments d'âme ou quelque chose comme ça dans la tête de monsieur Jamie Stewart. En tout cas un disque qui n'a rien à voir, mais alors strictement, avec leur précédent opus, une sorte d'aparté dans la discographie de Chouchou. Un disque était sorti à la fin de l'année de reprise de Nina Simone. Le disque d'ailleurs s'intitulait Nina, il est sorti au mois de décembre. Mais là je vous propose d'écouter un extrait donc de ce Angels Guts Red Classroom et le titre Cynthia's Unisex par Chouchou. You say no. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Asile le plus sûr après cette séquence un tantinet cosmique qui a commencé par le tout nouvel opus de Chouchou, comme ça s'écrit, Angels Guts Red Classroom, disque à paraître sur Polyvinyle début février, disque extrêmement perturbant et perturbé avec beaucoup de noirceur dans tous les sens, et qui était enchaîné avec un trio italien qui répond au nom de Air Chamber 3 et leur disque Peripheral, sorti sur le label Frata Nova. C'est sorti fin d'année 2013. Il s'agit d'un trio d'improvisation électro-acoustique. Je ne vais pas vous citer les membres, mais en tout cas, ils ont invité des gens fort intéressants à participer à leur frasque sonore, notamment le fameux Dominique Cramp d'Evangelista ou encore Barbara de Dominicis, plus connue dans le projet parallèle Forti. Voilà donc Air Chamber 3, très très beau disque donc dans l'improvisation électroacoustique et les mélanges sonores très audacieux. Et c'était enchaîné au final avec le fameux Joël Vandroogenbrock. Joël Vandroogenbrock, qui est plus connu pour les amateurs de krautrock comme le leader du regretté Brain Ticket, qui était le plus belge des groupes de krautrock de la première moitié des années 70. Et Joël Vandroogenbrock s'en est pas tenu là. Bon, il a un peu pris le large, il a un peu disparu de la circulation, mais il a quand même ressurgi avec des productions assez atypiques de temps à autre, comme ce Biomécanoïde qui était sorti en 1980 sur le label allemand Color Sound Library, et ça vient tout juste d'être réédité par le label compatriote Aguirre Records, le label belge spécialisé dans les musiques psychédéliques depuis une demi-douzaine d'années. Donc réédition exclusivement en vinyle, à une époque où on s'intéresse beaucoup à la musique de la fin des années 70, début des années 80, avec des choses un peu dans les musiques New Age. Il n'est pas très étonnant qu'on réédite ce Biomécanoïde de Joël Vandroogenbrock. Voilà, je propose de continuer avec une séquence de jazz free et la musique des Sax Ruins, le fameux duo entre Tatsuya Yoshida, du fameux groupe Les Ruins, et sa camarade, la japonaise Ryoko Ono. Alors c'est presque Yoko Ono, mais il y a un R devant, qui est d'ailleurs quelqu'un qui a participé aussi à Acid Mother Temple. Ils viennent de faire paraître leur deuxième disque en date sur le propre label de Tatsuya Yoshida, Magebutsu, et c'est aussi en coproduction avec Skingraft pour l'Occident. Ça s'appelle Blim Gas. Je propose d'écouter un titre qui est en fait un morceau revisité comme la moitié de l'album, de titre des Ruins historiques. Donc là il s'agit de Refusal Fossil, qui donnait d'ailleurs titre à un album qui devait remonter au milieu des années 90, ce qui ne nous rajeunit pas. On écoute les Sax Ruins avec donc ce titre Refusal Fossil. Une séquence de free jazz énergisante avec tout d'abord les Sax Ruins, le duo entre monsieur Tatsuya Yoshida et Ryoko Ono saxophone. Deuxième disque en date sous le titre Blimgas. C'est sorti à la fin de l'année, c'est plutôt pas mal. Alors c'est pas un album à sauter au plafond, mais il y a des petites pièces plutôt intéressantes, et notamment dans les réinterprétations de la musique des Ruins, le fameux duo basse-batterie assez mythique japonais. Et c'était enchaîné avec la rencontre entre le Free Art Ensemble et Agusti Fernandez, et un concert live at Jamboree qui est sorti sur édité par le net label Discordian Records. Le Free Art Ensemble, qui est un collectif barcelonais qui accueillait donc Agusti Fernandez, qui est un vétéran pianiste improvisateur également espagnol, beaucoup moins, la scène espagnole de l'impro européenne est moins connue que la britannique, mais il y a des gens et des singularités plutôt pas mal, comme ce Agusti Fernandez qui proposait donc une série de conductions à ce grand ensemble de jeunes improvisateurs espagnols. Voilà, on enchaîne avec la musique, cette fois du bassiste Harrison Blankhead. Harrison Blankhead, qui est plus connu en tant que sideman depuis pas mal d'années, notamment aux côtés d'un certain nombre de ses compatriotes de Chicago. Je crois qu'il fait partie de l'ACM de Chicago d'ailleurs. Il a joué aux côtés notamment de Roscoe Mitchell, ou encore dans les projets du saxophoniste Ernest Dawkins. On commence à le connaître en tant que leader avec des disques qui sortent sous son nom. Le deuxième en date vient tout juste de paraître sur Engine Records. Il s'intitule Velvet Blue, et on retrouve le bassiste côté de deux saxophonistes, Ed Wilkerson et Mars Williams, ainsi que le batteur Ave Rail Ra. On écoute un titre extrait de ce Velvet Blue. Alors j'ai pas la playlist en face des yeux, je vous redis ça tout à l'heure. On écoute donc le Harrison Blankhead Quartet dans l'Asile de Pussure. Ancestors of the Pharaohs of Nabat Playa, une séquence d'afro-free chamarrée extraite de ce disque de Harrison Blankhead Quartet Velvet Blue, disque hautement recommandable du contrebassiste qui n'officiait pas vraiment à la contrebasse sur la séquence qu'on a pu entendre, mais qui faisait furieusement penser un peu à tout ce que peut produire la scène du jazz de Chicago depuis ces 50 dernières années, notamment de l'après Art Ensemble of Chicago. Je pense notamment, c'est assez proche au projet du batteur Khalil Elzabar, le Ethnic Heritage Ensemble, qui nous a gratifié d'un certain nombre de disques très bien sentis lui aussi sur l'excellent label Delmark. En tout cas, ce Velvet Blue de Harrison Blankhead est sorti lui sur Engine Studio. Voilà, je vous propose de conclure avec un dernier disque, et pas des moindres, vraiment un petit bijou que nous devons au sound artist d'origine polonaise Robert Piotrowicz, que je découvre avec cet album, mais qui a joué aux côtés d'à peu près tout ce qui peut bouger dans le domaine de l'improvisation électroacoustique, notamment Oren Ambarchi, Jérôme Nottinger, Tony Buck, Kevin Drum, j'en passe et des meilleurs. Il a fait paraître l'an dernier son premier album en tant que compositeur. Alors son instrument, c'est plutôt le synthé analogique modulaire, mais sur ce When Snake Boy Is Dying, il a mélangé ses structures synthétiques à des continuums sonores particulièrement réussis. L'album est sorti en vinyle chez Musica Genera. Il est d'ailleurs disponible chez l'excellent distributeur Metamkin. Il vient juste d'être suivi d'un mini-album que je n'ai pas encore entendu sous le nom de Lincoln. Si, en tout cas, je ne pouvais pas me priver du plaisir de vous proposer ce titre extrait de cet album de Robert Piotrowicz, When Snake Boy Is Dying, qui fera donc une très très belle séquence pour conclure l'émission de cette semaine. Je vous rappelle que les playlists et émissions sont écoutables en streaming et podcastables sur le blog asile35.blogspot.fr. Je vous souhaite une excellente nuit ainsi qu'une très belle semaine. À bientôt.